L'atmosphère du chat qui chie est tout de même agréable. Il chie dans la baignoire, dans le frigo et sous la table. Ça fait toujours plaisir quand tu nettoies dans la baignoire. Sa merde encore toute chaude sortie de son cucu tout noir. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Et mes 40 albums se trouvent soudain immatériels. Quand l'odeur de son caca te rappelle que ta vie est une poubelle. Il baisse ses oreilles, il contracte sa l'eau, il prend son pied. Et moi dans mon émoi, moi j'ai envie de me suicider. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Mais tu fais chier là, mais putain, mais arrête de chier partout. Tu chies, putain, mais t'as chié dans la baignoire maintenant. Tu chies sous le lit, putain, mais vas-y, mais chie dans mes fringues, ton petit. Quoi, qu'est-ce que je vois, putain, mais je rêve ou quoi? Non, mais t'as chié dans mes fringues, Pito, viens ici, viens bouffer ta merde. Putain, je te gueule devant, tu vas bouffer cette merde, hein. Je te préviens, tu vas la finir, hein. Et tu finis tout, espèce de salope. Allez, le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie. Le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie, le chat qui chie.